L'imam Ahmad a dit, quand il a été interrogé au sujet de l'ascétisme, l'imam Ahmad, ils disent, c'était un imam dans l'ascétisme. Tous on sait que c'est un imam dans la sunna, un imam dans le tawhid, c'est un imam aussi dans l'ascétisme. Et c'est pour ça que tu trouves que la plupart de ceux qui ont suivi l'imam Ahmad, ils ont un ascétisme accentué. Ils ont un ascétisme accentué. Les élèves et les élèves des élèves de l'imam Ahmad. Donc l'imam Ahmad a été interrogé sur l'ascétisme. Il a dit, c'est le fait de ne pas se réjouir avec l'obtention de dunya. Et de ne pas s'attrister par sa perte ou sa diminution. Et il a été interrogé, rahimahullah, sur un homme qui possède 1000 dinars, 1000 pièces d'or. Un dinar, c'est à peu près 5 grammes d'or. Donc 1000 dinars, c'est presque 5000 grammes d'or. Tu multiplies ça par le prix de l'or aujourd'hui, c'est yani, une grande somme pour l'époque surtout. Donc quelqu'un qui possède 1000 dinars, est-ce qu'il peut être un ascète? Il a dit oui, mais à condition de ne pas se réjouir quand cet argent augmente et de ne pas s'attrister non plus quand cet argent diminue. Donc il a dunya, il a le rizq Allah lui a donné. C'est le rizq d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'est pas attristé par la perte de ses biens ou une partie. Comme il n'est pas réjoui par l'augmentation de ses biens. C'est une indifférence par rapport à dunya. Un autre savant parmi salaf a dit, dans la définition de zuhd, il a dit le délaissement de ce qui distrait d'Allah. Zuhd, c'est le délaissement de ce qui distrait d'Allah, ce qui préoccupe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ahmad, dans une autre parole que l'imam Ibn al-Qayyim a rapportée, il a dit Az-Zuhd a lieu dans trois choses. Az-Zuhd a lieu dans trois choses. Ou tu peux dire Az-Zuhd est de trois catégories. La première, c'est le délaissement de l'haram. Le délaissement de l'illicite. Il a dit ça, c'est Zuhd al-Awam. Ça, c'est l'ascétisme des gens de la masse. Ils délaissent ce qui est haram. La deuxième catégorie, c'est le délaissement du surplus du halal. Le surplus du halal. Il a dit ça, c'est l'ascétisme de l'élite. C'est-à-dire, ils se limitent à leur suffisance. Et tout ce qui est en dessous de cette suffisance, ils s'en débarrassent. Fi sabilillah, sadaqa, ils ne gardent que sa suffisance. Et c'est ça le dua que le Nabi alayhi salam a fait pour les membres de sa famille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne un rizq suffisant pour leur quotidien. Il a juste sa suffisance et pas plus. Ça, c'est la deuxième catégorie et c'est aussi le deuxième niveau de zod. Le troisième niveau et le troisième degré le plus élevé, l'ascétisme des savants, l'ascétisme de ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala le plus, c'est le délaissement de tout ce qui distrait d'Allah subhanahu wa ta'ala.